worry to be glorified. Worthy is the Lamb. Only you, Jesus. Worthy is the Lamb. No can compare to you, Lord Jesus. Worthy is the Lamb. Car nul n'est comparable à toi. Worthy is the Lamb. Oh Jésus, personne n'est comparable à toi. Toi seul est digne d'être. Worthy is the Lamb. Toi seul est digne, l'agneau de Dieu. Allô de Dieu, tu es digne de louange. Worthy.